kii nag benn gumba la woon nag. Gumba bi en fait videur la ci benn boîte. Boîte boo xamante ne en fait boo fay dugg da nga war a watu ndel fonong. Léegi moom daal gumba ci bunt bi rek lay taxaw di sélectionné di laal bopp yi. Ku mu laal rek sa bopp bu fekkee watu nga rek mën a la duggal. Bu fekkee nga am 40 mën a déedéet yow doo dugg. Moom daal noonu la fa nekkee nag. Ba un jour nag boîte bi di organisé benn soirée. Am benn gaañ nag bu ñëw ba egsi si bunt bi rek gis gumba bi di sélectionné quoi. Après nag mu taxaw nag di xool naan mais man nan laay def ba mën a dugg ci lii bi nii man bu ma demee gaañ bi du ma bàyyi ma dugg de. Nag desaan nag taxaw mu taxaw di science ni man nan lay def jekki rek daal di tëb quoi. Rek jug nag dem avancé dox ñëw nag ba ci kanam gumba bi rek wan ko ginnaaw rek simi tubay yi rek juutu ko. Gumba bi di làmb rek daj ci benn xottu taaj bi rek làmbaat rek dajaat ci benn xottu taaj bi mu ne eh yéen daf leen nànk waaye yéen lan ngeen di buxante nii ñëppay dugg.